Oh, le joli coin intime. Et comme on comprend mal votre existence au Music Hall quand on vous voit ici, entre cette lampe rose et ce vase d'œillets. Voilà ce qu'il a dit en partant, mon amoureux, la première fois qu'il est venu dîner chez moi avec Amon, l'entremetteur. Car j'ai un amoureux. Je ne trouve à lui donner que ce nom passé de mode. Il n'est ni mon amant, ni mon flirt, ni mon gigolo, c'est mon amoureux. Le joli coin intime. Ce soir-là, derrière son dos, j'ai ri avec amertume. Une lampe voilée, un vase de cristal où l'eau scintille, un fauteuil auprès de la table, le divan usé que cache un savant désordre de coussins, et le passant, ébloui et superficiel, imagine entre les murs d'un verre éteint une vie retirée, pensive et studieuse de femme supérieure. Ah, il n'a vu ni l'encrier poudreux, ni la plume sèche, ni le livre non coupé sur la boîte vide de papier à lettres. Une vieille branche de houx se recroqueville comme tombée dans le feu au bord d'un pot de grès. La vitre d'un petit pastel, une esquisse d'Adolphe Taillandi, fendue, attend en vain qu'on la remplace. Ma main négligente a épinglé, puis oublié, un lambeau de papier autour de l'ampoule électrique qui éclaire la cheminée. Une pile de 500 cartes postales, scène de l'emprise, sous leur bande de papier gris, couvre, au risque de l'écraser, un ivoire gravé du XVe siècle. Cela sent l'indifférence, l'abandon, la quoi bon, presque le départ. Intime? Quelle intimité se serre le soir autour de la lampe dont l'abat-jour se fane. Chérie, essoupérée de fatigue après le départ de mes deux convives, et ma nuit fut longue, agacée d'une honte obscure, née de l'admiration même du grand serin. Sa foi naïve d'homme emballé m'éclaira ce soir-là sur moi-même, comme il arrive que quelques miroirs inattendus au détour d'une rue dans un escalier révèlent soudain certaines tares, certains fléchissements de visage et de silhouette. Mais depuis, d'autres soirs ont passé, ramenant Amon avec mon amoureux, ou mon amoureux sans Amon. Mon vieil ami fait en conscience ce qu'il appelle son sale métier. Tantôt il patronne avec une brillante aisance d'ancien homme d'esprit, les visites de son pupille, qui, sans lui, je l'avoue en toute sincérité, m'excéderait. Tantôt, il s'efface, pas longtemps, se fait attendre, juste assez, dépensant pour moi sa diplomatie salonnière qui se rouillait. Je ne me pars pas pour eux et ne quitte pas la chemisette à plis ni la jupe plate et sombre. Je laisse devant eux tomber ma figure, la bouche lasse et fermée, l'œil volontairement terni. J'oppose à l'entêtement de mon amoureux une mine passive de fille qu'on veut marier contre son gré. Je soigne seulement, pour moi plus que pour eux, le décor menteur et sommaire où je vis si peu. Blandine a daigné visiter les recoins poudreux du salon de travail et les coussins du fauteuil devant la table gardent l'empreinte de mon repos. J'ai un amoureux. Pourquoi celui-là et non un autre? Je n'en sais rien. Je regarde, étonné, cet homme qui a réussi à pénétrer chez moi. Parbleu, il le voulait tellement. Tous les hasards l'ont servi et Amon l'y a aidé. Un jour, toute seule, chez moi, j'ai ouvert un coup de sonnette timide, le moyen de jeter dehors cet individu attendant gauchement les bras chargés de roses à côté d'Amon qui m'implorait du regard. Il a réussi à pénétrer ici. Cela devait arriver, sans doute. J'apprends sa figure chaque fois qu'il revient, comme si je ne l'avais jamais vu. Il a de chaque côté du nez un pli déjà marqué qui se perd sous la moustache. Il a des lèvres rouges, d'un rouge un peu bistré, comme il arrive aux gens trop bruns. Ses cheveux, ses sourcils, ses cils, tout cela est noir comme le diable, et il a fallu un rayon de soleil bien franc pour m'enseigner un jour que, sous tant de noir, mon amoureux a des prunelles d'un gris roux, très foncé. Debout, c'est vraiment un grand serin raide, emprunté, tout en os. Assis, ou à demi allongée sur le divan, il semble s'assouplir tout à coup et goûter la grâce d'être un autre homme, paresseux, détendu, avec des mouvements de mains heureux, un renversement oisif de la nuque contre les coussins. Quand je sais qu'il ne me voit pas, je l'observe, vaguement choquée de penser que je ne le connais pas du tout, et que la présence chez moi de ce garçon est aussi insolite qu'un piano dans une cuisine. Comment se fait-il que lui, épris de moi, ne se trouble point de me si peu connaître? Visiblement, il n'y songe pas, et ne paraît s'occuper que de me rassurer d'abord, me conquérir après. Car s'il a appris très vite, sur le conseil d'Amon, je le parie, à cacher son désir, adoucir son regard et sa voix en me parlant, s'il feint, rusé comme une bête, d'oublier qu'il me convoite, il ne montre pas non plus l'appétit de me découvrir, de me questionner, de me deviner, et je le vois plus attentif au jeu de la lumière sur mes cheveux qu'à mes paroles. Que cela est étrange. Le voilà près de moi, assis, le même rayon de soleil glisse sur sa joue et sur la mienne, et si la narine de cet homme en paraît carminée, la mienne doit se teinter de corail vif. Il n'est pas là, il est à mille lieues. À tout moment, je veux me lever et lui dire « Pourquoi êtes-vous ici? Allez-vous-en » Et je n'en fais rien. Pense-t-il? Lit-il? Travaille-t-il? Je crois qu'il appartient à la catégorie nombreuse, assez banale, qui s'intéresse à tout et ne fiche rien. Point d'esprit, une certaine rapidité de compréhension, un vocabulaire très suffisant que rehausse une belle voix étoffée, cette facilité au rire, à la gaieté enfantine qu'on peut remarquer chez tant d'hommes. Voilà, mon amoureux. Pour ne mentir en rien, mentionnons ce qui me plaît le mieux en lui. Un regard parfois absent, chercheur, cette espèce de sourire intérieur de l'œil qu'on voit aux sensitifs violents et timides. Il a voyagé, mais comme tout le monde, pas très loin, pas souvent. Il a lu ce que tout le monde lit, il connaît pas mal de gens et n'arrive pas à nommer en dehors de son frère aîné trois amis intimes. Je lui pardonne tout cet ordinaire en faveur d'une simplicité qui n'a rien d'humble et parce qu'il ne trouve rien à dire sur lui-même. Son regard rencontre rarement le mien, que je dérobe. Je ne puis oublier le motif de sa présence et de sa patience. Et pourtant, quelle différence entre l'homme qui s'assoit là sur ce divan et l'animal méchant au désir sauvage qui force à la porte de ma loge. Rien ne marque chez moi que je me souviens de notre première rencontre, sauf que je ne cause presque pas avec le grand serin. Quoi qu'il essaie, je lui réponds brièvement, ou bien j'adresse à Amon la réponse destinée à mon amoureux. Ce mode de conversation indirecte donne à nos entretiens une lenteur, une fausse gaieté inexprimable. Je répète toujours la nouvelle pantomime avec Brague. Tantôt les folies bergères nous donnent asile le matin, ou bien c'est l'Empire Clichy qui nous prête son plateau pour une heure. Nous errons encore de la brasserie Gambrinus, habituée aux éclats de voix des tournées barrées, à la salle de danse Cernouchi. « Ça se dessine, » dit Brague, avare de compliments pour autrui, comme pour lui-même. Le vieux troglodyte répète avec nous. C'est un famélique jeune gars de 18 ans que Brague secoue, ahuri, agonie d'injures, au point de m'apitoyer. Tu lui en dis trop, Brague, il va pleurer. Qui pleure? Et je lui fous mon pied dans le cul. Les larmes, c'est pas du travail. Il a peut-être raison. Le vieux troglodyte ravale ses larmes, tâche d'enfler un dos préhistorique et se dévoue à la garde d'une amadriade qui fait des grâces en chandail de tricot blanc. Un matin de la semaine dernière, Brague s'est donné la peine de venir, en personne, me prévenir que la répétition du lendemain n'aurait pas lieu. Il nous a trouvés, Amon, Dufferin, Chautel et moi, finissant de déjeuner. J'ai dû garder Brague quelques minutes, lui offrir du café, le présenter à mes convives. Et je voyais le petit œil noir et brillant de Brague s'arrêter à la dérobée sur mon amoureux. avec une satisfaction curieuse, une sorte de sécurité qui m'a sottement gênée. Quand je l'ai reconduit à la porte, mon camarade ne m'a pas questionné, ne s'est permis aucune allusion familière, et mon embarras a redoublé. J'ai reculé devant le ridicule d'expliquer. « Tu sais, c'est un camarade, c'est un ami d'amant qui est venu déjeuner. » Fossette porte à présent un collier de maroquin rouge à clous dorés, d'un goût sportif et déplorable. Je n'ai pas osé dire que je le trouvais laid. Elle fait la cour, damnée petite femelle servile, au monsieur bien mis qui sent l'homme et le tabac, qui la caresse d'une adroite claque sur le rable. Blandine se multiplie, fourbit les vitres, apporte sans qu'on le lui demande le plateau à thé quand mon amour est là. Tous, à l'exemple de mon vieil ami Amon, ont l'air de conspirer contre moi en faveur de Maxime Dufferin-Chautel. Hélas, j'ai si peu de peine à demeurer invulnérable. Invulnérable, épique, insensible, rétractile. Car lorsque je donne la main à mon amoureux, le contact de sa longue main, chaude et sèche, me surprend et me déplaît. Je n'effleure pas sans un petit hérissement nerveux le drap de son veston, et c'est involontairement que je me gare quand il parle de son haleine pourtant saine. Je ne consentirai pas à nouer sa cravate, et j'aimerais mieux boire dans le verre d'Amon que dans le sien. Pourquoi? C'est que ce garçon est un homme. Malgré moi, je me souviens qu'il est un homme. Amon, ce n'est pas un homme, c'est un ami. Et Brague, c'est un camarade, Boutier aussi. Les sveltes et musclés acrobates qui révèlent, sous un maillot nacré, les particularités les plus flatteuses de leur anatomie, eh bien, ce sont des acrobates. Ai-je jamais songé que Brague, qui m'étreint dans l'emprise à me meurtrir les côtes et paraît m'écraser la bouche sous un fougueux baiser, avait un sexe? Non. Eh bien, le regard le moins appuyé, la poignée de main la plus correcte de mon amoureux me rappelle pourquoi il est là et ce qu'il espère. Quel joli passe-temps pour une coquette. Quel bon flirt, agaçant et convaincu. Le malheur est que je ne sais pas flirter. Manque d'aptitude, manque d'expérience, manque de légèreté et surtout, oh, surtout, le souvenir de mon mari. Si j'évoque un instant Adolphe Taillandi dans l'exercice de ses fonctions, je veux dire travaillant avec l'âpreté, l'entêtement chasseur qu'on lui connaît, à séduire une femme ou une jeune fille, me voilà refroidi, contracté, tout hostile aux choses de l'amour. Je revois trop bien sa figure de conquête, l'œil voilé, la bouche enfantine et rusée, et cette affectation de battre des narines au passage d'un parfum. Pouah, tout ce manège, cette cuisine autour de l'amour, autour d'un but qu'on ne peut même pas nommer l'amour. Je les favoriserai, je les imiterai, moi? Pauvre Dufferin-Chautel, il me semble parfois que c'est vous qu'on trompe, ici, et je devrais vous dire quoi? Que je suis redevenue une vieille fille, sans tentation, écloîtrée, à ma manière, entre les quatre murs d'une loge de music hall. Non, je ne vous le dirai pas, car nous ne savons échanger, comme à la dixième leçon de la Berlitz School, que des phrases élémentaires, où les mots pain, sel, fenêtre, température, théâtre, famille tiennent beaucoup de place. Vous êtes un homme, tant pis pour vous. Chacun dans ma maison semble s'en souvenir, non comme moi, mais pour vous en féliciter, depuis Blandine qui vous contemple avec une satisfaction jamais lassée, jusqu'à Fossette, dont le large sourire canin dit pareillement « Enfin, voilà dans la maison un homme. Voilà l'homme. » Je ne sais pas vous parler, pauvre Dufferin-Chautel. J'hésite entre mon langage à moi, un peu brusque, qui ne daigne pas toujours finir les phrases, mais chérit la précision d'un terme technique, mon langage d'ex-bas bleu, et l'idiome veule et vif, grossier, imagé, qu'on apprend au music hall, émaillé de « tu parles », de « ta gueule », « je l'aimais », « très peu pour moi ». À force d'hésiter, j'ai choisi le silence. Cher amant, que je suis contente de déjeuner avec vous. Pas de répétition aujourd'hui, du soleil, et vous, ça va bien. Mon vieil ami qui souffre de rhumatisme lancinant me sourit, flatté. Il est fort maigre en ce moment, vieilli, léger, très grand, le nez décharné et busqué, tout ressemblant au chevalier de la triste figure. Il me semble pourtant que nous avons déjà eu le plaisir de déjeuner ensemble cette semaine. Quelle tendresse débordante pour ma vieille carcasse, René. Parfaitement, je déborde. Aujourd'hui, il fait beau, je suis gaie, et nous sommes tout seuls. Ce qui veut dire que le grand serin n'est pas là, vous l'avez deviné. Amon hoche son long visage mélancolique. Décidément, c'est de l'aversion. Du tout, Amon, du tout. C'est du rien. Et tenez, il y a plusieurs jours que je médite d'être franche avec vous. Je ne peux justement pas me découvrir l'ombre d'un sentiment pour Dufin Chautel, hormis de la défiance, peut-être. C'est quelque chose. Je n'ai même pas d'opinion sur lui. Je me ferai un plaisir de vous offrir la mienne. Cet honnête homme n'a pas d'histoire. Pas assez. Pas assez? C'est de la provocation. Vous ne l'encouragez pas à vous conter la sienne. Il ne manquerait que ça. Le voyez-vous, avec sa grande main sur son grand cœur? Je ne suis pas un homme comme les autres. C'est ça qu'il me dirait, hein? Les hommes disent toujours la même chose que les femmes, à ce moment-là. Amon me couvre d'un regard ironique. Je vous aime bien, René, quand vous vous parez d'une expérience qui vous fait, heureusement, défaut. Les hommes font ceci, les hommes disent cela. Où avez-vous pris une pareille assurance? Les hommes, vous en avez connu beaucoup? Un seul, mais quel? Justement, vous n'accusez pas Maxime de vous rappeler Théandi? Dieu, non, il ne me rappelle rien du tout, rien, je vous dis. Il n'est pas spirituel. Les amours sont toujours un peu idiots. Ainsi, moi, quand j'aimais Jeanne. Et moi donc, quand j'aimais Adolphe. Mais ça, c'était de l'idiotie consciente, presque voluptueuse. Vous rappelez-vous, les soirs où nous dînions en ville, Adolphe et moi, et que je prenais mon air pauvre, mon air de fille épousée sans dot, comme disait Margot, mon mari pérorait, souriait, tranchait, brillait, on ne voyait que lui. Si on me regardait un instant, c'était pour le plaindre, je crois. On me faisait si bien comprendre que, sans lui, je n'existais pas. Oh, tout de même, vous exagérez un peu. Guerre, amant, ne protestez pas. Je m'employais de tout mon cœur à disparaître le plus possible. Je l'aimais si imbécilement. Et moi, dit Amon, s'animant. Vous souvenez-vous quand ma petite poupée de Jeanne donnait son opinion sur mes tableaux? Henri est né consciencieux et démodé, déclarait-elle, et je ne pipais pas. Nous rions, nous sommes contents, rajeunis de remuer des souvenirs humiliants et amers. Pourquoi faut-il que mon vieil ami gâte ce samedi si conforme à toutes nos traditions en ramenant le nom de différents Chautel? Je fais une moue fâchée. Encore! Laissez-moi un peu en repos avec ce monsieur, Amon. Qu'est-ce que je sais de lui? Qu'il est propre, correctement élevé, qu'il affectionne les chiens bulles et qu'il fume la cigarette, qu'il soit par-dessus le marché épris de moi, ce n'est pas, soyons modestes, un signe très particulier. Mais vous faites tout le possible pour ne le jamais connaître. C'est mon droit. Amon s'agace et claque de la langue, désapprobateur. C'est votre droit, vous discutez comme une enfant, ma chère amie, je vous assure. Je dégage ma main qui la retenait sous la sienne et je parle vite, malgré moi. Vous m'assurez quoi? Que c'est un article de tout repos? Vous voulez quoi à la fin? Que je couche avec ce monsieur? René, eh, il faut bien le dire, vous voulez que je fasse comme tout le monde? Que je me décide? Celui-là ou un autre? Après tout, Vous voulez troubler ma paix reconquise, orienter ma vie vers un autre souci que celui, âpre, fortifiant, naturel, d'assurer moi-même ma subsistance? Ou bien vous me conseillez un amant, par hygiène, comme un dépuratif? Pourquoi faire? Je me porte bien, et Dieu merci, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aimerai plus personne, personne, personne. » J'ai crié cela si haut que je me tais soudain, confuse. Amon, moins ému que moi, me donne le temps de me ressaisir, pendant que mon sang montait à mes joues, redescend lentement vers mon cœur. « Vous n'aimerez plus personne, mon Dieu, c'est peut-être vrai, et ce serait plus triste que tout. Vous, jeune et forte et tendre, oui, ce serait plus triste que tout. » Indigné, près de pleurer, je contemple l'ami qui m'ose parler ainsi. « Oh, Amon, c'est vous, vous qui me dites cela, après ce qui vous est, ce qui nous est arrivé, espéreriez-vous l'amour ?» Amon détourne son regard, fixe sur la fenêtre claire ses six jeunes yeux dans sa vieille figure, et répond vaguement « Oui, je suis très heureux comme je suis, c'est vrai, mais de là à répondre de moi, à déclarer « je n'aimerai plus personne », ma foi, non, je n'oserai pas. » Cette étrange réponse d'Amon attarit notre discussion, car je n'aime pas parler de l'amour. La plus déterminée grivoiserie ne m'effare pas, mais je n'aime pas parler de l'amour. Si j'avais perdu un enfant bien aimé, il me semble que je ne pourrais plus prononcer son nom.